La crèche de Charles Péguy. Né en 1873 et tué durant la guerre le 5 septembre 1914. Sous le regard de l'âne et le regard du bœuf, cet enfant reposait dans la pure lumière. Et dans le jour doré de la vieille chaumière, s'éclairait son regard, incroyablement neuf. Le soleil qui passait par les énormes brèches éclairait un enfant gardé par du bétail. Le soleil qui passait par un pauvre portail éclairait une crèche entre les autres crèches. Mais le vent qui soufflait par les énormes brèches eût glacé cet enfant qui s'était découvert. Et le vent qui soufflait par le portail ouvert eût glacé dans sa crèche entre les autres crèches cet enfant qui dormait en fermant les deux poings. Si ses deux chambellans et ses museaux velus et ses gardes du corps et ses deux gros témoins pour le garer du froid n'eussent soufflé dessus. Sous le regard du bœuf et le regard de l'âne, cet enfant respirait dans son premier sommeil. Les bêtes calculant dedans leur double crâne attendaient le signal de son premier réveil. Et ses deux gros barbus et ses deux gros bisons regardaient s'éclairer la lèvre humide et ronde. Et ses deux gros poilus et ses deux gros barbons regardaient sommeiller le premier roi du monde. Fin du poème « La crèche » de Charles Péguy. Illustration musicale du site museopen.org de Jean-François d'Andrieux, Livre de Noël, interprété par Eric Yann Herradous, sous licence CC BY 3.0.